Les chasseurs de nazis. Chapitre 2. Du gibier en tout genre. Troisième épisode. Ce gibier-là a été nourri avec de la mauvaise graine. Ce gibier, ce sont des hommes qui ont du sang sur les mains, mais qui possèdent aussi des compétences recherchées dès la défaite de 1945 par les services secrets des pays qui furent alliés pendant la guerre. 1945, Barbie s'enfuit vers l'Allemagne, vers Augsbourg. Du gibier comme Klaus Barbie, ça ne se rate pas. En 1972, le journaliste de TF1 Ladislas de Hoyos retrace l'itinéraire de celui qu'on surnomme le boucher de Lyon. En 1948, on le retrouve à Munich. La même année, au mois d'août, un policier français l'interroge comme simple témoin. Barbie est protégé par les services secrets américains. Première demande d'extradition. On le signale à Stuttgart, à Kempten, puis à Gênes en Italie. 1950, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge de Genève, Barbie se procure un titre de transport pour la Bolivie. Il a changé de nom. Après Mayer, Kreitz, Wilms, Nicolas et Berger, il adopte une nouvelle identité, Altman. 1951, Klaus Altman est à La Paz. 6 ans plus tard, sous cette fausse identité, il se naturalise bolivien. Passeport officiel, numéro 58871. Ces photos sont exclusives. Elles ont été prises en Allemagne en 1948. Barbie était déjà protégé par les services secrets alliés. Yvonique de Noël, vous êtes historien du renseignement. Qui sont les acteurs? Parce qu'on parle de la CIA, mais la CIA, c'est 1947. Elle est précédée par l'OSS et le service de renseignement de l'armée de terre, c'est le CIC. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont un service puissant de renseignement intérieur qui est le FBI. Ils ont des petits services spécialisés comme le Secret Service, qui est surtout chargé de la protection présidentielle et de lutter contre la fausse monnaie, mais ils n'ont pas de grands services d'action extérieure comparables à ce qu'est par exemple le Secret Intelligence Service britannique. Va se créer en 1942, à l'initiative d'un avocat, Wild Bill Donovan, l'OSS, Office of Strategic Services, qui est un service créé en temps de guerre pour aller partout dans le monde, à la fois sur les territoires occupés par les Allemands, mais aussi les territoires attaqués par le Japon, déstabiliser, commettre des attentats, bref, faire l'équivalent de ce que fait le SOE britannique, à qui Churchill avait donné pour mission de mettre le feu à l'Europe. Donc ils font exactement ça, c'est très désordonné. Beaucoup de recrues qui sont des gens qui n'ont aucune expérience de renseignement. On dépense beaucoup d'argent. Donc des opérations ratées, des opérations réussies. Et ce côté désordonné provoque une vive méfiance de la part de l'armée, ce qui fait que dès la fin de la guerre, l'OSS va être démantelé. Pour autant, il y a toujours besoin d'un service d'action extérieure. Donc la prééminence à la fin de la guerre est donnée au CIC, le Counterintelligence Corps de l'armée américaine, qui est tout simplement un service de renseignement militaire, avec dans l'Europe occupée des prérogatives extrêmement larges pour faire échapper à la justice de droit commun des criminels de guerre nazis qu'on estime utiles à la lutte anticommuniste. Ces gens-là, on les a recyclés pour une raison simple, c'est que de la guerre civilisationnelle contre le nazisme, on est passé très rapidement à une autre guerre, qui est présentée également comme une guerre de civilisation, une guerre de système, une guerre d'idéologie, l'enjeu vital puisque nucléaire, hein, on est passé à la guerre froide. L'historien spécialiste du nazisme, Johann Chapoutot. Et cette guerre froide exige que tout le monde soit sur le pont et que l'on recycle les compétences. On recycle très bien également des combattants, hein, des soldats. C'est le cas de la Légion étrangère française qui emploie des milliers d'anciens soldats de la Wehrmacht, des milliers de Waffen-SS qui sont invités à combattre le communisme non plus à Stalingrad, mais en Indochine, puisque la France est immédiatement en guerre en Asie. Et on a besoin, encore une fois, des policiers, des espions, de ces gens qui savent démonter un réseau, faire de la contre-insurrection, interroger dans des caves, démolir un appareil syndical ou politique. Ces gens-là savent faire. Et c'est pour ça qu'ils se recyclent admirablement. L'exemple de Klaus Barbie est désormais bien connu. Klaus Barbie passe de la SS à l'OSS. Klaus Barbie. You have to understand that, Klaus Barbie. Well, he's the butcher bien sûr, c'est le boucher de Lyon. Et ce n'était pas un boucher en fauteuil. Il ne se contente pas de regarder faire ses sbires. Il aimait enfiler ses gants de cuir et tabasser à mort ses victimes. Et je crois que de temps en temps, il se servait d'un chalumeau, je ne suis pas sûr. Ce n'était pas un brave type. L'historien américain Richard Arashke. Il était responsable. Il était responsable de la déportation d'au moins 25 000 juifs de la région lyonnaise vers les camps où ils avaient été tués. On parle là de meurtre de masse. Mais il connaissait tous les communistes parce qu'il se méfiait d'eux. Il connaissait tous les communistes de France et il nous a été très utile pour espionner les Français. Et voilà pourquoi nous avons continué à le protéger une fois que nous n'avions plus besoin de lui. La France était notre allié pendant la guerre. La France était notre ami et on l'espionnait. On ne voulait pas que les Français le sachent. On vous espionne parce que vous avez chez vous tous ces communistes et vous n'êtes pas assez costaud pour vous en occuper. Vous n'avez pas la volonté de régler le problème. On va vous en débarrasser. Et donc on l'a fait sortir. La CIA l'a exfiltré par Rome. Puis jusqu'à La Paz, où il est devenu conseiller à la sécurité pour les barons de la drogue et pour le gouvernement, c'était les mêmes, et il a protégé cette dictature. Voilà le genre de type qu'était Barbie. Et finalement, à notre crédit, à la fin des années 1980, nous avons présenté des excuses à la France. Au sein du ministère de la Justice aux États-Unis, est créé en 1979 l'Office of Special Investigation, chargé de débusquer sur le sol des US d'anciens criminels nazis. Alan Ryan va diriger cet office dès sa création et c'est lui qui décide d'aller enquêter dans les archives des agences de renseignement de son pays sur le cas Barbie. Des dépositions ont été faites par d'anciens agents de renseignement militaire américains disant que Klaus Barbie était connu d'eux en Allemagne au lendemain de la guerre, et que les États-Unis avaient aidé à son exfiltration vers l'Amérique latine. Lorsque ces dépositions ont été faites, elles ont attiré beaucoup d'attention et de publicité. Je suis allé voir le procureur général à l'époque et j'ai dit, il faut enquêter là-dessus. Techniquement, il n'entre pas dans notre cadre de compétences parce qu'il n'est pas aux États-Unis, mais étant donné les allégations qui ont été faites, étant donné notre expertise dans ce domaine, je vous dis respectueusement qu'il serait important que nous le fassions. En bref, le procureur général a accepté et j'ai conduit une enquête pendant les 5-6 mois suivants, au cours de laquelle j'ai conclu dans un rapport très long que Barbie avait bien été utilisé par les services de renseignement militaires américains au lendemain de la guerre, que ceux qui l'avaient manipulé ne connaissaient pas son historique d'agent de la Gestapo à Lyon, mais que lorsque le gouvernement français avait appris qu'il se trouvait dans le secteur américain et lorsque la France a demandé qu'il lui soit livré pour être jugé, des officiers américains de rang supérieur ont décidé que ce serait embarrassant pour les États-Unis qu'il soit rendu public que Klaus Barbie, ancien chef de la Gestapo de Lyon, avait travaillé pour les services de renseignements américains. Et en publiant ce rapport, j'ai recommandé, parce que les États-Unis avaient retardé la justice à Lyon, on avait empêché la justice à Lyon, et j'ai recommandé que le secrétaire d'État présente ses excuses à la France au nom des États-Unis. Ce qu'il a fait, M. Schulz, le secrétaire d'État à l'époque, a exprimé des excuses au nom du gouvernement. Et au sujet de l'affaire Barbie, j'ai reçu une des lettres les plus importantes. Elle avait été envoyée par Robert Badinter, le garde des Sceaux, à l'époque, en France. Il a écrit au procureur général en disant que la minutie et l'objectivité de mon rapport étaient à l'honneur du dévouement des États-Unis à l'état de droit. Et ça, ça valait donc la peine d'être fait à mes yeux. Ça a été vraiment un moment très fort pour moi. Je ne suis pas un assassin. je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais torturé, jamais salé à la Gestapo de Delian. À demain pour la suite des chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.